Voilà, donc dans cette suite des rencontres inouïes paysages, alors j'ai devant moi, à côté de moi, Excuse-moi, Romain. Barthélemy. Romain Barthélemy. Romain Barthélemy. Ah, je commence à mélanger, j'ai pas donné dans les prénoms. Et Mathieu Guézi. voilà, et qui ont tous les deux travaillé sur un appel à projet du PNR au Jura. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, comment vous êtes arrivé au colloque de ce paysage inouï, de ces paysages inouïs? Alors, nous, on a fait un projet pour la résidence Nature in Solidum du Haut-Jura, qui était un projet sonore, un projet sur l'évolution du paysage sonore de la forêt jurassienne face au changement climatique. Donc, on est allé travailler sur le territoire, sur un laps de temps qui a duré un petit peu plus qu'un an, mais sur lequel on était présent sur le territoire à des intervalles réguliers. Par tranche de 1 à 2 semaines, où on essayait d'aborder le territoire justement dans différentes saisons, justement parce que le paysage sonore, on sait que c'est quelque chose qui varie énormément, qui est très cyclique en fait. Il y a un rapport aux saisons, il y a un rapport à la journée, il y a un rapport aux semaines. Et donc on a essayé d'avoir un peu une photographie globale du paysage sonore jurassien. Dans ces temporalités-là. Et on a produit ensuite une série de dispositifs d'œuvres sonores. Et on présente là pour pour Paysages Inouïs une des installations sonores qu'on a faites à la PES, du coup, qui s'appelle Trajectoire. Ça veut dire qu'il y a eu donc plusieurs modèles, plusieurs dispositifs différents? Oui, comme c'était une résidence de recherche-création, on a fait pas mal de tests. On a travaillé sur le sonogramme, qui est un révélateur aussi des présences animales, enfin, des présences de manière générale dans le paysage sonore. On a travaillé sur une composition audiographique aussi, c'est-à-dire sur l'inclusion de paysages photographiques dans le son, dans le sonogramme, et le traiter comme matière sonore qui serait mélangée à des matières sonores qui sont prises sur le lieu et qui occasionne justement un jeu entre la représentation visuelle que donne le sonogramme et ce qu'on arrive à en entendre. Et donc on a une pièce comme ça. On avait un dispositif aussi qui permettait de recomposer des paysages sonores en faisant des partitions graphiques en fait. C'est-à-dire que vous Et avez donc joué sur la sonification aussi, les relations visuelles, ouais. audibles. Et donc là, le dispositif qu'on présente, donc c'est une installation qui s'appelle Trajectoire, qu'on a réalisée dans ce cadre, qui a été réalisée à partir de collectes. Donc ce qu'on expliquait un petit peu hier, c'est qu'on a eu une triple collecte. On a eu une collecte matérielle, c'est-à-dire qu'on a demandé aux habitants de nous donner tout ce qu'ils avaient qui traînait dans leur garage, dans les greniers, en termes de haut-parleurs, donc des haut-parleurs d'ordinateur, il y a des haut-parleurs d'autoradio, de choses comme ça. C'est de l'éco-conception. On a essayé le plus possible. Après, il y a toujours des choses qu'on est obligé d'acheter, de câblerie, on a quand même réussi à récupérer ordinateur, à faire de la seconde main pour une bonne partie du matériel. Mais il y a toujours la partie câble, etc., qu'on a été obligé d'acheter neuf. Donc, c'est pas totalement de l'éco-conception. Il y a l'esprit en tout cas. L'idée, c'était aussi de se nourrir du territoire, donc de collecter ces choses-là sur le territoire, de collecter aussi des résidus de l'industrie du bois. Donc on a récolté pas mal de loches, donc qui sont des petits tasseaux de bois qu'on utilise pour caler les morceaux de bois qu'on va vendre. Donc c'est des choses qui sont destinées à être jetées très vite, Oui, très ça c'est des rapidement. déchets, des tourneries. Et on a récolté aussi des témoignages. c'est-à-dire des personnes qui sont des acteurs de la forêt, qui vont être des personnes de l'ONF par exemple, ou on a eu un photonaturaliste, on a eu une artiste, on a eu... Donc c'est des personnes qui pratiquent la forêt en fait par leur activité. Et qui ont pu nous donner en fait eux des informations sur la façon dont la forêt évolue, sur la façon dont eux ils la voient évoluer et sur les questionnements que ça leur pose. Parce qu'en fait on s'aperçoit que ça pose plus de questionnements que ça apporte de réponses. C'est-à-dire que même les personnes qui sont qui doivent s'occuper de la forêt, de la gérer sur une gestion forestière, c'est sur des dizaines d'années que ça se prévoit, eux, en fait, se retrouvent un peu pris au dépourvu parce que les changements s'accélèrent et qu'ils ne savent pas justement où il faut aller et qu'il faut prendre des décisions qui vont affecter les prochaines décennies et que du coup, eux sont un petit peu dépourvus sur face à ce changement climatique. Et donc, c'est justement une des choses qui ressortait des interviews, c'est-à-dire cette grande incertitude qui fait que finalement, on ne sait pas ce que va devenir la forêt, on ne sait pas ce que va devenir le paysage sonore. Donc, on a récolté aussi beaucoup de sons donc à différents moments du jour et de la nuit. Dans différentes saisons, comme je disais tout à l'heure, et à différents endroits de la forêt. Et en fait, à partir de ça, on s'est posé la question. Donc, il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus sur ces thématiques de la forêt, de l'occupation animale, du paysage sonore comme indicateur aussi de l'occupation d'un milieu. Le plus célèbre, c'est peut-être Bernie Krause, qui a travaillé pas dans le Jura, mais du coup qui lui avait formalisé les notions de niche acoustique et de définition de la bioacoustique, d'anthropophonie, de géophonie, de ouais. de il m'en manque un, je sais plus lequel, de biophonie. Et donc ça, c'était un point de départ pour nous qui était assez intéressant parce que c'était déjà un travail. Lui, il a déjà fait un travail sur l'évolution des milieux. Donc lui, c'est des prises de son à une quinzaine d'années d'intervalle, etc. Et il peut montrer des évolutions parce qu'il a des points de comparaison. C'était aussi un point de départ qui était intéressant pour nous parce qu'il y a quand même cette conception un peu musicienne du paysage sonore qui fait que voilà, on a des acteurs, on a une auto-orchestration, c'est des termes qui résonnent un peu avec la pratique de la composition. Et en fait, nous, contrairement à lui, on s'est retrouvé dans un point où on ne devait pas essayer de comparer avec le passé, mais plutôt de prévoir le futur. De modéliser ou de... Voilà. Enfin, modéliser, c'est peut-être un grand mot, mais justement, d'anticiper. On peut pas. Voilà, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas, en fait, modéliser le futur pour l'instant. Oui, oui. Et on peut pas... Et même prévoir le futur, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. L'anticipation, par contre... Ça laisse la porte ouverte à l'imagination, à l'imaginaire, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. De la collapsologie au renversement. Et c'est un peu là-dessus que nous, on s'est basé finalement. C'est-à-dire que, en fait, comme on ne peut pas prévoir le futur, on va essayer de le prédire. Et en fait, comment on le prédit ? C'est-à-dire qu'on part du paysage sonore tel qu'il est actuellement et on le fait dériver. On l'a fait dériver, nous, selon des principes musicaux, mais qui sont aussi des principes qui ont été révélés par des bioacousticiens. C'est-à-dire que, par exemple, face à des changements dans le milieu sonore, il y a certains oiseaux qui vont faire migrer leur chant dans le spectre audible. Qui vont passer au-dessus pour être... Pour être entendu. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être changer de registre, c'est-à-dire aller un peu plus vers l'aigu pour éviter les fréquences qui sont prises autrement. Ça peut être changer de la dynamique. Voix aussi. Ouais. Et du coup, en fait, nous, on s'est basé sur ces principes-là pour en fait faire des transformations, en fait faire dériver petit à petit en fait les paysages sonores qui sont présents actuellement dans le Haut-Jura. Donc on a pris des éléments qui sont présents actuellement, des insectes, des espèces animales qu'on peut y trouver, et on les a fait dériver justement en les transposant petit à petit vers l'aigu, en les transposant petit à petit vers le grave, et en fait ça vient recomposer des paysages sonores. Alors là, les phénomènes sont complètement amplifiés, c'est-à-dire qu'on va on va dériver, mais beaucoup plus loin que ce que ferait une espèce animale. Mais ça nous permet en fait d'entrevoir, en fait de comment dire, flouter un peu les frontières temporelles et les frontières géographiques. C'est-à-dire qu'on va se retrouver d'un coup, parce qu'on a fait évoluer ces sons-là, dans des paysages sonores qui vont évoquer des paysages de jungle, des paysages plutôt méridionaux, ou alors des choses qui sont carrément aquatiques. Et du coup, alors qu'on part de ce paysage-là, de tous ces sons qui ont été enregistrés dans le Jura, bientôt en fait on est dans des évocations de milieux ou de géographies qui sont tout autres. C'est du fictionnel inspiré du réel. Mais il y a aussi des phénomènes de disparition et de paupérisation qui sont des marqueurs, puisqu'on ne voit pas les trois quarts de ce qu'on entend, on ne voit pas dans la forêt. Donc il y a aussi de la raréfaction aussi. On a joué un petit peu aussi sur des moments de repeuplement, et des moments où on est beaucoup plus calme aussi, où il y a des choses qui sont beaucoup plus sobres. Et justement, ça fait partie aussi Et alors là, des choses qu'on a faites. j'allais dire, vous venez de quel milieu ou de quel champ de pratique, plutôt création sonore, plutôt environnementaliste, enfin, pas entre guillemets, ou entre les deux? Justement, on vient pas du même milieu, et c'est pour ça que, enfin, c'est ça qui nous a permis Voilà, aussi c'est de la faire ça. complémentarité là. Moi, je suis urbaniste, donc je D'accord. travaille plutôt sur la problématique territoriale, et j'utilise le son dans ces pratiques-là pour révéler des milieux, discuter aussi avec les gens, enfin essayer de véhiculer une parole. Le son est plutôt pratique pour ça. Donc je travaille plutôt sur l'aspect territorial. Et Romain, lui, est plutôt compositeur, enfin il va expliquer. D'accord, donc on a un champ de l'aménagement du territoire et un champ de l'aménagement du sonore, plutôt esthétique. Alors moi je suis compositeur et designer sonore, donc j'ai fait de la composition acousmatique. C'est par là que je suis arrivé au son en fait. Et en design sonore, je travaille sur des projets qui peuvent toucher soit à l'aménagement de lieux, c'est-à-dire des sons qui vont être entendus dans des lieux publics ou des choses comme ça. Dans une forme de design d'espace, design sensoriel. Oui, ça peut être ça peut être des sons aussi qui vont être Des sonos, des signaux. des IHM ou des choses comme Ouais. ça. Donc j'ai travaillé sur plusieurs projets dans ce sens-là, et justement, c'est posé un peu à moi la question de ok, mais on commence à remettre ces sons-là dans le paysage sonore, On va dans ajouter une des espaces couche. publics. Et justement, c'est ça qui m'a amené un peu au paysage sonore. C'est-à-dire à la fois le côté musique acousmatique, en fait, qui prend le son comme matériau sonore dont on va pouvoir fabriquer des Comme pièces un objet musicales, sonore, selon la définition de de Pierre Pierre Schaeffer. Schaeffer, ouais. Et puis mes propres projets professionnels, en fait, qui posent les questions quand même du paysage sonore et comment l'action humaine le transforme. Comment on est à la fois récepteur, émetteur pour le meilleur et pour le pire. Oui. Oui, et en fait, en plus, on est toujours à la fois les deux. On est Oui. toujours émetteur et récepteur, et donc Voilà. on est toujours ambivalent en fait face à Ouais. cette question du paysage sonore. Oui, c'est donc là on comprend bien la notion de d'inouï paysage, de paysage inouï que vous proposez en la transposant, en plus hors lieu, parce que là on est dans un bâtiment Il n'a rien de forestier, même s'il est en rapport direct avec la nature et le paysage. C'était intéressant, en fait, la première installation qu'on a faite de ce dispositif, on était dans le grenier d'une fruitière, donc dans le village même. Donc c'était un vieux grenier qu'on a réaménagé avec Mathieu pour l'occasion, qui était inutilisé depuis plusieurs années. Et donc en fait on était c'est un grenier qui n'était pas du tout isolé. On entendait des éléments qui venaient du ciel, de l'extérieur, etc. Et donc on avait certains à pas mal de moments des sons qui transpirait de l'extérieur vers l'intérieur, porosité, qui faisait que ça se mélangeait un petit peu avec l'installation. Et même nous, des moments, il y a... En fait, c'est un milieu aussi, le Haut-Jura, où il y a pas mal d'avions qui passent, parce qu'on a l'aéroport de Genève qui est juste à côté. Sur la ligne, effectivement. C'est un couloir aérien permanent. Et donc, on a présenté une autre version de l'installation qui incluait justement ces sons d'avion, et on avait ce mélange là où des moments on se demandait si ça venait de l'installation quelle est la part du vrai et la part du rajouté. Donc quelque chose dont on joue souvent en acousmatique, installé en tout cas. Comme une des thématiques ici, c'était les dystopies aussi sur les paysages inouïs. On s'est dit que justement cette installation pouvait jouer sur ce registre de la dystopie, de l'imagination, de paysages inconnus. Et c'est pour ça qu'on a soumis ce travail au comité d'organisation. Et c'est vrai que ça les a intéressés de voir comment on pouvait anticiper des paysages sonores qui n'existaient pas. Quoi. Je comprends tout à fait l'intérêt et le choix. Voilà d'où ça vient. Ok. Et donc vous avez d'autres projets de duo suite à ces... On va essayer de candidater. On est en train de monter un projet. Parce que le champ est large en mêlant justement aujourd'hui ces approches un peu transdisciplinaires, territoire, aménagement, représentation esthétique et où les deux se causent. On essaie justement de croiser ça, mais on essaie de voir où ça va nous mener et on teste des choses. Bon, on soumet. Eh bien, souhaitons une longue route à vos projets. Une longue route. Merci. Merci beaucoup. Merci.